Cendrillon de Chinatown, faut pas traîner. Debout joue ton persecam, c'est du passé. Car la Chine, opaline, de son vieux cinéma dormant, Marie-Jeanne, opiumane, longtemps dormie pour longtemps, longtemps. Tu te fends d'une robe longue sur le côté, mais le monde de Suzy Wong, il est râpé. La belle, oh belle, de ce vieux cinéma dormant, l'Amérique boulimique l'a englouti pour longtemps, longtemps. Au milieu des hills et de Beverly, dans un ciné désert, chinoise de 15 ans vend du pop-corn dans un kimono vert. Elle se voit déjà Greta. Cendrillon de Chinatown. Se perd derrière ses paravents. Je me mine, je m'abîme. Mes rêves n'en ont plus pour longtemps, longtemps. Pourtant,